Septembre 1960. Hier, on a fait un pique-nique sur l'autoroute. Et ben nous, avec Léa, on s'est arrêté au restaurant et on a pris un grand menu. Et même que ton père, après, il s'endormait en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude ? La somnolence, première cause d'accident mortel sur autoroute. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Quatrième temps de notre série de documentaires de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux révolutions des années 1960, aujourd'hui la sécession au Biafra. Après avoir évoqué la révolution technologique de la Mondovision, c'était lundi, la révolution algérienne mardi, celle de Cuba hier, le documentaire de ce matin en nouvelle diffusion revient sur la sécession biafraise de 1967. À cette date, cette province nigériane déclarait son indépendance, provoquant un blocus économique de la part du Nigeria. Le Biafra devenait alors un drame humanitaire connu dans le monde entier. C'est à une nouvelle lecture de cette histoire que nous invite ce matin le documentaire signé Séverine Yattar et Séverine Kassar, avec des historiennes et des historiens qui se sont penchés sur cette grande cause internationale des années 1960, avec par exemple Joël Calmette, Marie-Luce Desgrandchamps, Valérie Gorin et Philippe Riffman. C'est jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous demander de bien vouloir m'excuser. M'excuser, peut-être pour une place qui n'est pas la mienne, mais aussi et surtout parce que je vais troubler votre soirée. Soirée que j'imagine familiale ou amicale, une soirée où il fait bon vivre, et puis tout d'un coup, on sonne à la porte. C'est un télégraphiste. C'est une mauvaise nouvelle. Ce télégramme vous est envoyé par Philippe Dumez. Il l'a écrit avec sa caméra, à 5000 kilomètres d'ici. Pourtant, souvenez-vous, il y a 23 ans, vous avez dit « Jamais plus nous ne verrons cela ». Je l'ai dit, vous l'avez dit. Quoi cela ? Le génocide. Le génocide au Biafra. Sur ce territoire, il y a 14 millions d'êtres humains qui essayent de jouer le jeu de la mort. À ce jeu, 6000 d'entre eux perdent chaque jour. Oui. Oui, vous avez bien entendu, chaque jour, la malnutrition ou la famine en fauche 6000. Chaque jour. J'avais 8 ans et je découvre à la télévision, comme de nombreux Français et des petits Français, des images d'enfants biafrais, donc affamés par une famine, squelettique, mourant. Et je crois qu'on est toute une génération, on est saisi d'horreur à ce moment-là. Il y a des appels à la générosité publique pour apporter de la nourriture dans les mairies, etc. Donc je me souviens, le soir même, on vide les placards à la maison et on porte à la mairie du sucre, des pâtes, enfin tous les condiments un peu dont on pouvait disposer. Et ça, c'est un premier souvenir très marquant. La crise du Biafra, ou les nouveaux sens de l'humanitaire. Je sais. Je sais, ces images sont insupportables. Et devant elles, nous avons mauvaise conscience. Mais allez-vous dire, que pouvons-nous faire ? Eh bien, très peu, et beaucoup, énormément. Vous pouvez. Je suis sûr, vous le pouvez si chaque Français prend la décision, maintenant, tout de suite, de se priver d'un paquet de gitanes ou quelque chose d'équivalent. Je veux dire, chaque Français décide de se priver de 2 francs. 2 francs. Un peu plus que le prix d'un rat au Biafra. 2 francs pour rendre l'éclat de l'espoir à ses yeux d'enfant. 2 francs. Que vous enverrez dès demain matin, tout de suite, que vous enverrez à la Croix-Rouge française, au Comité français contre la faim, CCP 363 à Paris. Bien entendu, vous pouvez envoyer plus et beaucoup plus. Il y a tant à faire. L'appel de Pierre Sabag, diffusé au journal télévisé de 20h, au début du mois d'août 1968, dure une dizaine de minutes. Les téléspectateurs découvrent alors avec stupeur cette famine qui sévit dans une contrée lointaine, le Biafra. À l'origine de la crise, une sécession, celle de la partie est du Nigeria, bientôt ravagée par la guerre et un blocus économique, imposé par les forces fédérales nigérianes. Derrière l'élan de solidarité qui se développe et les dispositifs humanitaires qui s'organisent sur place, le gouvernement gaulliste, par l'intermédiaire de Jacques Foccart, responsable des affaires africaines à l'Élysée, soutient secrètement la cause biafraise par la mise en place d'un dispositif clandestin d'aide militaire. La crise du Biafra intervient au cœur d'un tiers-monde naissant, tiraillé par la guerre froide. Ses causes sont à la fois géopolitiques, économiques et idéologiques. À l'ère du photojournalisme et surtout de la télévision, il s'agit du premier drame humanitaire médiatisé aussi abondamment. Des images d'enfants, atteints par le kwashiorkor, défilent alors sur les écrans et suscitent la compassion. Cette médiatisation repose en fait sur une étroite collaboration entre les journalistes et les acteurs de l'humanitaire, considérés comme experts et témoins privilégiés du conflit. Retour sur une guerre-famine, souvent présentée comme la préfiguration d'un nouvel humanitaire. Un fleuron, un bouquet, une gerbe de ta fédérée ou un buisson d'épines. Spécial Biafra, ORTF, septembre 1967. Le 1er octobre 1960, le Royaume-Uni fait cadeau à l'Afrique du plus puissant, du plus prospère des États souverains, le Nigeria. La duchesse Alexandra de Kent et toutes les bonnes fées saluent la naissance du nouvel État, deux fois grand comme la France, 50 millions d'habitants, une économie florissante, une administration solide. La Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale, est à juste titre fière de cette réussite. En l'espace de 50 ans, elle a créé des traditions, insufflé des mœurs démocratiques, réuni en un pays des familles ethniques et religieuses aussi étrangères les unes aux autres qu'en Europe, les Anglais et les Turcs. Le Nigeria, en fait, dès son indépendance, va connaître, est un pays qui représente de grands espoirs, en fait, sur le continent africain, puisque c'est un pays riche. Marie-Luce Desgrandchamps, chargée d'enseignement en histoire à l'Université de Genève. C'est un pays qui a des ressources pétrolières importantes, c'est un pays qui est très fortement peuplé, dont une partie est quand même très bien développée. Et donc c'est un pays qui représente beaucoup d'espoir en fait. Et puis assez rapidement, il va sombrer dans une période de troubles avec des factions qui vont représenter les différentes régions du Nigeria et qui vont essayer de se battre pour obtenir le pouvoir. Et puis en 1966, il y a un premier coup d'État qui est mené par un général qui est justement originaire de la région du Biafra, du futur Biafra, qui est à l'époque la région est du Nigeria, parce que le Nigeria est une fédération à l'époque, et toujours d'ailleurs. Et donc le pouvoir revient à ce général. Et donc ceci va créer un certain nombre de tensions, parce qu'il y a des oppositions entre le nord du Nigeria et le sud. Et là, donc, c'est un général du sud-est plus particulièrement, qui prend le pouvoir. Et donc, la situation va devenir assez complexe et très vite, ce général va prendre une mesure pour essayer d'unifier le Nigeria, qui va être très mal perçu, notamment par les élites du Nord, qui vont voir dans cette mesure une perte de pouvoir, finalement. Et donc, à partir de là, il va y avoir une série de massacres, en fait, à l'encontre de la population qui est perçue, en tout cas dans le Nord, comme la population Igbo, donc, qui est cette population qui est originaire du sud-est du Nigeria. Et ces massacres vont progressivement, donc il y a notamment deux séries, en mai et en septembre 1966, et ces massacres vont mener notamment le gouverneur de la région Est, donc de cette région où les Igbo sont majoritaires, à déclarer l'indépendance du Biafra finalement. Depuis ce matin, l'Afrique compte un nouvel État, c'est la République de Biafra. Interactualité, 30 mai 1967. La République de Biafra, c'est le nouveau nom d'une province du Nigeria, le Nigeria oriental, qui vient de faire sécession. Oui, on s'y attendait d'ailleurs depuis quelques jours. La tension s'était considérablement aggravée entre le Nigeria oriental et la Fédération du Nigeria. La rupture ne s'est donc pas fait attendre. Cette sécession s'est d'ailleurs apparemment faite sans incident, bien au contraire, puisque la nouvelle a été marquée par des réjouissances populaires dans ce nouvel État. La République de Biafra compte environ 12 millions d'habitants pour une superficie d'un peu plus de 75 000 km² située à l'est du fleuve Niger. Ojukwu donc effectivement décide de déclarer la sécession et à la suite de ça donc le gouvernement fédéral va lui décider donc d'imposer un blocus autour de la région et puis progressivement la guerre va éclater à partir du mois de juillet 1967 puisque les troupes fédérales vont chercher à reconquérir la région du Biafra. Et il faut préciser Marie-Luc Desgrandchamps que Ojukwu notamment incite les populations Igbo à partir du nord, parce qu'elle serait menacée justement par l'armée fédérale, et à rentrer à l'est, en fait, du pays. Donc il va y avoir une sorte d'afflux aussi de réfugiés qui vont massivement arriver dans ce qu'on appelle cette république indépendante du Biafra. Voilà, alors à la suite des massacres notamment, Ojukwu va s'employer à convaincre tous les Igbo qui ne résident pas dans la région, la future région du Biafra, à les convaincre que en fait leur survie n'est plus possible au sein du Nigeria, et qu'il faut qu'ils rentrent au Biafra, effectivement. Donc il va y avoir un afflux de plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont revenir à l'intérieur du Biafra, avant et au moment où celui-ci va déclarer son indépendance. Le Biafra est un conflit complexe, dans lequel il y a les parties belligérantes, et puis il y a des États extérieurs, soit de la région, soit plus lointains, qui sont aussi, en certaine mesure, partis au conflit. Philippe Riffman, chercheur en sciences politiques, spécialiste des questions humanitaires. Et dans le cas du Biafra, donc effectivement le gouvernement français de l'époque du général de Gaulle, va prendre parti de façon assez affirmée pour la sécession biafraise, ainsi que certains États africains, une petite minorité, puisque la majorité des États africains ne veulent pas une remise en cause de ce qu'on appelle des frontières issues de la colonisation. Et puis la Grande-Bretagne va prendre parti pour le gouvernement nigérian, l'URSS va aussi donc avoir un rôle, la Chine aussi, même si elle n'a pas la puissance à l'époque qu'elle aura ensuite. Il faut voir que le Biafra, ça s'inscrit dans le contexte de la guerre froide. Et qu'à l'époque, l'Afrique est un peu le terrain de jeu des Américains et des Russes. Joël Calmette, documentariste et historien. Les Français sont qui plus est tétanisés à l'idée que les communistes chinois viennent en Afrique. Et le Nigeria fait peur. Il fait peur aux Français. Le Nigeria, à l'époque, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est 60 millions d'habitants. À titre de comparaison, le Gabon, à l'époque, c'est 1 million d'habitants. Et donc la France veut garder son importance géopolitique en s'appuyant sur ces jeunes pays africains. Donc affaiblir ce géant nigérian, c'est rassurer les nouveaux États africains indépendants, et puis c'est asseoir une puissance diplomatique française à l'ONU, par exemple, au vote au Conseil de sécurité. C'est aussi jeter une pierre dans le jardin des Anglais et des Américains. Les Américains viennent d'aider à ce moment-là Mobutu à se mettre au pouvoir. Donc ils veulent venir jouer en Afrique aux yeux de Focard et de quelques stratèges, et il s'agit de les affaiblir. Idem pour les Anglais. De Gaulle, en même temps que le Biafra, fait sa déclaration sur le Québec libre. Donc il y a des raisons géopolitiques, il y a probablement aussi des raisons idéologiques qui sont jamais explicites, qui sont de faire barrage à l'islam, de façon à interdire à l'islam de descendre jusqu'à la côte atlantique. Et puis il y a une troisième raison d'importance. C'est le rôle important qu'a joué le président ivoirien Houphouët Boigny dans le conflit. D'une part, de par son statut, il était ancien ministre de la 4e République, il a été ministre d'État, il a été ministre de Gaulle. Il bénéficie d'une aura inouïe à Paris dans le monde politique et il connaît tout le monde. Ça veut dire que pendant la guerre du Biafra, Houphouët Boigny, qui lui va être très tôt pour les Biafrais, alors pour des raisons locales, c'est-à-dire qu'il a un conflit frontalier important avec le Ghana, anglophone, donc qu'il associe au Nigeria, anglophone également, pour des raisons religieuses, de chrétien à chrétien, et pour des raisons personnelles, d'asseoir sa légitimité sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il est en rivalité avec Senghor à ce moment-là. Ils ne sont pas d'accord sur la façon dont il faut gérer la post-colonisation. Donc, X raisons font qu'Oufouet Boigny va vouloir soutenir les Biafrais. Et il va, sur certains points, convaincre de Gaulle. Parfois, Foccart n'arrive pas manifestement à convaincre de Gaulle et en passe par Oufouet Boigny pour convaincre de Gaulle. Si je romps aujourd'hui ce silence volontaire... Oufouet Boigny, France Inter, 9 mai 1968. C'est parce que je veux saisir l'occasion pour crier mon indignation devant l'indifférence inexplicable, l'indifférence coupable du monde entier à l'égard des massacres dont le Biafra est le théâtre depuis plus de 10 mois. Sait-on qu'il y a au Biafra en 10 mois plus de morts qu'en 3 ans au Vietnam? Certes, nous déplorons tous cette guerre que le malheureux peuple vietnamien connaît depuis 30 ans. Mais en horreur, la guerre du Biafra ne le cède en rien à celle du Vietnam. Même si, en raison de sa supériorité militaire en hommes et en matériel, le gouvernement fédéral du Nigeria venait à occuper la totalité du Biafra, le problème de la sécession ne serait pas résolu pour autant. Il n'y aura donc pas de paix véritable au Nigeria tant que le Biafra luttera pour son indépendance. Ses soutiens, peu nombreux, crédibilisent la sécession biafraise et vont lui apporter quelques victoires sur le terrain. Joël Calmette. Là, Foccart va s'y intéresser davantage. Quelques personnes vont se pencher sur la question. Les services secrets officiellement, en se disant « Ah, c'est biafrais finalement, pourquoi pas ?» Quand la famine vient au Biafra, fin mai 68, à ce moment-là, l'élan de générosité est tel, il y a un vague soutien politique français au Biafra officiel, si bien que les gens savent qu'il y a un soutien de la France. Ils ne savent pas quelle est sa nature, mais enfin, il suffit de lire Le Canard enchaîné pour qu'on apprenne qu'il y a des mercenaires, des envois d'armes. Il n'y a pas vraiment de démenti du gouvernement français. À la limite, à ce moment-là, les mercenaires qui vont être médiatisés courant 68 vont presque apparaître, selon l'expression d'un médecin de l'époque, qui était en place à l'époque, les mercenaires de la charité. La cause est bonne, puisqu'encore une fois, il s'agit de venir en soutien à des enfants qu'on voit mourir à la télévision, presque en direct, ou sur tous les reportages photographiques. Spécial Biafra, ORTF, septembre 1967. Vous mettez un peu de la poudre qui est là, vous ajoutez un petit peu de sucre, vous tournez le tout, et vous le donnez avec un peu d'eau. Avec une timbale d'eau à peu près comme ça, vous voyez. Une grande cuillère. Ajoute un petit peu d'eau. You mix it. You put a little... Vous me donnez un petit peu de ce glucose. De ces drops. À qui est-ce qu'on le donne? Qui est-ce qu'il boit? Le petit ici. Il se trouve que le comité international de la Croix-Rouge, qui est donc chargé de proposer ses services en fait d'aide humanitaire dans les situations de conflit. Marie-Luce Desgrandchamps. Il va proposer ses services en fait dès l'été 67 et même avant que la guerre ne se déclare au Nigeria et au Biafra. C'est-à-dire qu'il propose de rendre visite aux prisonniers de guerre, de les répertorier, également de soutenir les activités des Croix-Rouges nationales. Alors bon, c'est difficile de parler d'une Croix-Rouge nationale dans le cadre du Biafra, mais en tout cas de la Croix-Rouge nigériane et de ce qui est en train de se développer comme Croix-Rouge du côté du Biafra. Donc il va proposer ses services donc à l'été 67, et puis il essaye de mettre en place donc des activités de ce type des deux côtés de la ligne de front, et puis à la fin de l'année 67, il prend conscience et toutes les autres organisations qui travaillent avec lui prennent conscience en fait du manque de médicaments, d'aide alimentaire également. Et donc il va tenter d'amener des secours par avion directement au Biafra, mais tout en prévenant le Nigeria de ce qu'il est en train de faire. Et très vite, les choses vont se compliquer. Disons qu'au départ, il va obtenir l'accord du Nigeria et du Biafra pour acheminer ses secours. Et puis très vite, le Nigeria va revenir sur son accord et ça va être le début d'un feuilleton qui va durer tout le conflit quasiment sur les conditions d'acheminement d'aide au Biafra qui vont s'avérer extrêmement, extrêmement complexes et sur lesquelles les deux belligérants vont hésiter, dire oui à un certain moment, puis revenir sur leurs paroles quelques semaines après ou quelques heures plus tard. Et donc la tâche du Comité international de la Croix-Rouge va être extrêmement difficile. Alors le CICR est présent. Philippe Riffman. Cette région du Nigeria. Et le gouvernement français va demander à la Croix-Rouge française, qui normalement n'avait pas particulièrement à y aller, puisque le CICR y était. Et en outre, à l'époque, la Croix-Rouge française n'avait pas du tout d'action internationale, ou très peu. Elle n'avait pas de service, de département pour cela. Il va donc faire pression sur la Croix-Rouge française pour que celle-ci envoie des équipes de médecins. Et donc la Croix-Rouge française, qui n'a pas de service médical, qui n'a pas de personnel, va lancer un appel, en quelque sorte, à recrutement. Et c'est dans ce contexte que des médecins, qui sont pratiquement tous marqués à gauche, et même à l'extrême gauche, ils sont pour certains anciens de l'Union des étudiants communistes, vont partir au Biafra. Il y a d'autres acteurs très importants qui également vont mener des opérations d'acheminement de nourriture et de médicaments, et puis sur place s'occuper de la distribution. Et je pense, Marie-Luce de Grandchamp, à ce qui concerne les églises, en fait, et les missionnaires. Tout à fait. Donc il se trouve que ces acteurs, en fait, sont déjà présents sur le terrain, donc parce que la région du Biafra est une région à dominante chrétienne. Il y a notamment de nombreux missionnaires protestants et enfin surtout catholiques, qui sont notamment des missionnaires irlandais, qui sont sur place et qui vont eux participer véritablement à lancer le mouvement humanitaire en direction du Biafra. Et puis il y a aussi des liens avec les églises protestantes en Europe. Et donc ces acteurs vont être absolument fondamentaux. Je pense notamment aux missionnaires catholiques qui vont être ceux qui, au départ, vont permettre la mise en place des opérations de secours. C'est-à-dire qu'ils ont une excellente connaissance du terrain sur place. Donc ils savent à qui est-ce qu'ils peuvent se référer pour essayer de louer des avions, de louer de l'espace dans des avions. D'ailleurs, au départ, ils louent de l'espace dans les avions qui transportent des armes pour acheminer de la nourriture sur place. Et donc ils vont être fondamentaux. Ils vont être fondamentaux aussi dans la mobilisation en Europe, puisqu'ils vont utiliser tout leur réseau catholique et protestant pour justement mobiliser, faire parler du Biafra, etc. Et eux, pour la plupart, en tout cas en ce qui concerne, peut-être c'est un tout petit peu moins vrai pour les protestants, mais en tout cas du côté des missionnaires catholiques, ils vont vraiment insister sur la dimension guerre de religion finalement, pour, entre guillemets, vendre la cause biafraise en Europe, en disant que les catholiques biafrais vont être exterminés par les musulmans du nord du Nigeria, si je résume et je caricature. Ce qui est intéressant, c'est que cette thèse, en fait, sur place, elle ne prend pas. C'est-à-dire que autant les biafrais et une partie d'entre eux est persuadée que leur existence en tant que peuple Igbo, donc Igbo, les Igbo, c'est l'ethnie qui est majoritaire au sein du Biafra. Donc eux, ils vont être persuadés que leur existence est menacée au sein du Nigeria, mais pas pour des raisons religieuses. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que ça, c'est vraiment une composante qui tient de la propagande, en fait, mise en place par les missionnaires catholiques pour vendre le conflit en Europe. Opération Survie, un reportage d'Adrien Porchet pour le Comité international de la Croix-Rouge, en 1968. Ceci est l'aérodrome qui vient d'être préparé pour que les avions de la Croix-Rouge internationale atterrissent. Oui, madame. Et vous m'avez dit qu'il avait été bombardé hier. Oui, hier après-midi, quand nous sommes arrivés. Pourtant, ils savaient que c'était un aérodrome réservé à la Croix-Rouge internationale. Mais oui, puisqu'il y a trois Croix-Rouges peint sur l'avion, et suffisamment sur le terrain, est suffisamment importante tout de même pour qu'on puisse ne pas méconnaître. Sans aucun doute. Mais sur les autres aérodromes, vous avez des avions. Et nous avons un aérodrome à Waomama qui fonctionne toutes les nuits. C'est-à-dire, nous volons de Santa Isabelle. Nous avons un corridor à suivre où ils nous tirent dessus. Ils m'ont tiré personnellement dessus. J'étais dans le dernier avion et après nous avons arrêté, comme vous savez. Et quand l'avion se trouve au-dessus de Hawa Omam, hein, ils allument des lampes de kérosène tout le long, et nous nous posons, et tout de suite on éteint. Tout de suite vous éteignez. Alors après, vous voyez plus rien, et nous déchargeons. Le lendemain de notre arrivée, un camion de la Croix-Rouge biafraise emportait notre chargement sur les routes, encombré de réfugiés. Parce que le Biafra est comme une fourmilière, maintenant, avec tous ces millions de gens qui s'entassent sur un territoire de plus en plus exigu. Quand est-ce qu'on commence à parler de cette guerre au niveau international ? Alors, on commence à en parler déjà, évidemment, au moment où la guerre se déclare, parce que bon, les médias reprennent un tout petit peu l'actualité de cette guerre, mais ça reste au départ très, très, très minime. Et puis, progressivement, notamment dans le courant de l'année 68, il y a une série d'États qui vont reconnaître l'indépendance du Biafra. Il s'agit notamment de la Tanzanie, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, et puis plus tard de la Zambie, et finalement il y aura aussi Haïti qui reconnaîtra, mais ça une année après, l'indépendance du Biafra. Donc ça, il y a une première percée à ce moment-là. Et puis dans les médias occidentaux, vraiment ce qui va faire parler du Biafra, ça va être la famine que les médias vont découvrir à la fin du printemps, début de l'été 1968. Et là, ça va être la grosse percée du Biafra sur la scène internationale, on va dire. Biafra 1968. Il y a 18 mois maintenant que cette guerre a commencé. Une guerre totale avec son cortège de souffrances et de morts. Car depuis quelques mois, la famine s'est abattue sur le Biafra, comme au Moyen-Âge, la peste s'abattait sur l'Europe. Les réserves de nourriture constituées avant le début des hostilités sont depuis longtemps épuisées. Sur les marchés locaux, la nourriture est rare. Les allumettes se vendent à la pièce, le sel à la cuillère, et le tout à prix d'or. Sur les marchés locaux, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien. Plus rien, sauf quelques grenouilles et quelques rats. Ça commence déjà au printemps 68. Il y a notamment la Suisse qui va envoyer des journalistes déjà à ce moment-là. Mais on va dire que le cœur du battage médiatique autour de la famine, c'est l'été 68. Valérie Gorin, chercheuse au Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire à Genève. C'est là qu'on a vraiment les avions qui viennent avec les journalistes et qu'on a une présence relativement importante de journalistes européens et américains qui vont venir. Et ça va durer, je dirais, jusqu'à la fin de l'automne 68 avec voilà, un peu des rebonds. Début 69, on continue toujours avec la famine. Les combats s'éternisent alors qu'on dit le Biafra totalement étranglé. Donc ça va durer environ 8-9 mois, on va dire vraiment de battage. C'est assez impressionnant en fait quand on voit le volume d'articles qui sont écrits dans la presse ou d'émissions télévisées qui se concentrent vraiment sur semaine en semaine avec des images qui répètent finalement cette forme de souffrance. Et surtout, pour les journalistes, le fait qu'ils vont découvrir sur place d'autres acteurs en fait concernés par cette famine et trouver quelque part des nouvelles formes d'héroïsation. Alors c'est ce lien, Valérie Gorin, justement, entre les journalistes et les humanitaires notamment. Oui, et les missionnaires, les religieux qui font partie des humanitaires. C'est ça, notamment les missionnaires irlandais. Il s'avère que ces prêtres irlandais sont, certains sont francophones, et donc effectivement ça offre un narratif complètement nouveau pour les journalistes qui en ont parfois un peu marre d'aller interviewer les médecins français ou les délégués du CICR qui sont présents. Donc ces prêtres irlandais, eux, sont relativement convaincus hein, en fait de ce qui se passe au Biafra, c'est-à-dire que la famine serait finalement le résultat d'une forme d'extermination voulue hein, par le Nigeria sur la population Ibos, et vont donc devenir des véritables stars de la couverture médiatique. En France, en Suisse, on les voit un peu moins, ils sont un peu présents, mais c'est surtout les Américains qui ont une relation à la charité et à l'humanitaire qui est encore assez marquée hein, par des sentiments religieux et qui vont les utiliser comme des véritables stars. Ces prêtres vont faire des tournées médiatiques aux États-Unis pour solliciter les dons, pour raconter aussi cette souffrance comme des témoins. Donc ce ne sont pas juste des journalistes qui vont et qui viennent et qui sont parfois restés que 24 heures sur place. Ce sont des gens qui ont vécu avec la population et qui viennent témoigner. Et là, on retrouve des choses qui étaient très typiques de la manière de médiatiser les famines dans les années 20. Il faut avoir vu ces enfants surtout, manquant de protéines, gonflés par le kwashiorkor, ou décharnés comme des squelettes. Il faut avoir entendu monter une plainte interminable de ces camps que survolent avec une lenteur funèbre les vautours. Il faut avoir vu ces corps ridés, fripés, desséchés, finis. Et comment oublier ces grappes d'enfants dont les regards vous sont insoutenables, tant ils accusent terriblement. La malnutrition entraîne essentiellement des stigmates extrêmement visibles, donc les membres deviennent très rachitiques, extrêmement fins. Le ventre gonfle et c'est dû à un manque de protéines et on lui a donné un nom qui est d'origine africaine, s'appelle le kwashiorkor, mais qui est très caractéristique. Le ventre est très ballonné, très gonflé. Et puis, sur les populations africaines, ça se voit plus puisque ça entraîne aussi une dépigmentation de la peau et des cheveux. Donc ça crée des scènes visuellement très spectaculaires. J'utilise le mot dans le sens de choquante, hein. Donc une mise à l'image qui va effectivement se concentrer sur l'enfance. Et ça, c'est quelque chose qui a longtemps été présenté dans l'historiographie de l'humanitaire comme un tournant, une scène assez nouvelle. Et maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les famines antérieures et leur mise en image, on constate qu'en fait, non, les enfants ont toujours été mis en avant comme des victimes non politiques, des victimes innocentes. Et puis l'enfant permet aussi de se projeter très bien. En tant qu'adulte, quand on voit ce type de spectacle, on se dit « mais c'est pas possible, ça pourrait être mes enfants ». Donc il y a une forme d'indignation aussi qui peut se créer. Et donc c'est très bien compris de la part des humanitaires, et que ce soit les docteurs français, que ce soit les prêtres irlandais, que ce soit du côté suisse, on a aussi un personnage assez spectaculaire qui a créé une ONG qui depuis a acquis une dimension internationale, qui s'appelle Terre des Hommes. Son fondateur c'est Edmond Kayser, c'est un personnage révolutionnaire, qui fait d'ailleurs des liens constants entre ce qui se passe au Biafra et puis les camps de concentration nazis à leur ouverture. On voyait justement des personnages squelettiques, des affamés, des morts vivants, comme ils les nomment. Et donc les enfants, ben, tout le monde les porte dans les bras, tout le monde les met en avant. On va même les chercher, on les traîne, on les amène devant les caméras. Donc c'est une forme de mise en scène, hein, c'est évident. Mais on a bien compris que l'enfant, ça permet d'indigner et ça permet de créer un consensus qui est nécessaire pour faire réagir les opinions publiques internationales. À la fois pour favoriser les dons et pour, comme vous dites, droit d'ingérence, intervenir. Alors intervenir, et c'est là le grand, c'est là finalement la grande position de Joukou, c'est que lui il cherche des soutiens internationaux. Il espère que la France va faire quelque chose. La France qui en fait donc finance secrètement les opérations de propagande, fournit également des armes, mais qui sur la scène politique ne s'est pas prononcée, bien que De Gaulle ait absolument garanti, enfin qu'il était du côté du droit à l'autodétermination des peuples. Donc Joukou a bon espoir de pouvoir finalement mettre De Gaulle de son côté. Et sa stratégie, c'est d'utiliser l'opinion publique, d'essayer de la révolter, donc au-delà du don, de la pousser à une forme d'action politique, de manifestation, de protestation. Et c'est là où, effectivement, on constate la limite de ces images. C'est que les dons ont été assez importants, notamment au cœur de l'été. La plupart des Croix-Rouges nationales, notamment la Croix-Rouge française, organisent une immense collecte de dons. Le CICR le fait aussi, c'est l'opération SOS Biafra. Et d'ailleurs, on le voit dans les télévisions françaises, dans les télévisions suisses, les télévisions américaines, les mois de août et septembre, c'est des mois de collecte. Donc les télévisions ne filment plus le Biafra, mais elles filment les populations en France. On va dans les petits villages et on montre tous les gens qui circulent avec leur petite cagnotte. C'est écrit SOS Biafra. Donc là, c'est vraiment la pitié en acte, hein, qui est vraiment montrée. On gratifie le spectateur en lui montrant à quel point il est généreux et à quel point il peut donner plus. Par contre, personne n'est descendu dans la rue pour protester contre le Biafra, comme les gens ont pu protester contre le Vietnam, par ailleurs, à la même époque. L'image étouffe toute réflexion sur la guerre et sur la géopolitique. Joël Calmette. C'est la première fois dans les années 60 que vous assistez à un conflit où des enfants meurent de faim, presque en direct. C'est la première fois qu'il y a tant d'images à la télévision d'une guerre. Il y a la guerre du Vietnam en parallèle, mais la guerre du Biafra, c'est la guerre du pauvre. Elle émeut beaucoup plus, elle saisit beaucoup plus. Paris Match tire à des millions d'exemplaires. On est tôt, à l'heure de gloire du photojournalisme. Évidemment, certains eux-mêmes sont militants pro-biafrais. Certains sont anti-musulmans, certains sont contre les Anglais, anti-communistes, certains d'entre eux. Mais il n'empêche que même ceux qui vont sur place ramènent les mêmes images. Alors, il faut quand même dire que sur place, ils ne peuvent pas se déplacer où ils veulent. Ils sont aussi pris en charge par le service de communication des biafrais. Joukou, c'est vrai qu'il a, il arrive à séduire les journalistes, il organise, je crois, des conférences de presse collectives, il orchestre, il met en scène tout ça. Alors oui, il a compris en fait la puissance de l'image, c'est-à-dire qu'il a un projet politique qu'il sait relativement peu défendu, en tout cas sur la scène internationale, c'est-à-dire l'idée de faire sécession. Valérie Gorin. Et c'est vraiment les propos qu'il va utiliser, c'est-à-dire pour que le Biafra, pour que l'idée du Biafra survive, même si tous ses habitants devaient en mourir, c'est de faire défendre la cause en construisant toute une rhétorique victimaire en fait qui va s'ancrer dans la mise en image. Donc il va collaborer en fait avec un Américain qui est présent à Genève et qui a une agence de presse qui s'appelle Marc Presse. Et ça va devenir le cœur de cette propagande. Donc Biafra a créé une division de propagande avec un ministre de propagande qui est nommé Patrick Davis. Et donc il collabore avec cette agence de presse pour pouvoir finalement faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une forme de journalisme embarqué, c'est-à-dire faire venir les journalistes. Donc d'abord il faut les appâter, entre guillemets, donc fournir un très grand nombre de téléx qui sont envoyés, de petites dépêches qui annoncent l'étendue de la famine, et puis surtout des photographies qui sont envoyées, qui montrent vraiment la souffrance. Et depuis Genève, sont ensuite organisés des charters, hein, le terme est utilisé directement dans les documents de cette agence de presse, des charters de journalistes qui sont amenés au Biafra. C'est assez compliqué hein, d'accéder au Biafra, c'est assez dangereux en fait, puisque les avions risquent d'être abattus. Donc c'est en fait presque une agence de voyage, si j'ose utiliser le terme, qui est à Genève et qui fait office de propagande pour pouvoir faire venir ces journalistes. Donc tout ça, c'est orchestré essentiellement par Ojukwu, qui utilise une sémantique et la mise en image comme son meilleur argument, je dirais, de propagande afin de toucher essentiellement l'opinion publique et à travers l'opinion publique de peut-être faire pression sur les gouvernements occidentaux qui soit restent très indifférents sur ce qui se passe au Biafra, soit alors soutiennent le Nigeria comme c'est le cas par exemple pour l'Angleterre et l'URSS qui est le grand ennemi qui soutient le Nigeria. Le gouvernement Biafra va être extrêmement malin sur cette question. Et ça va être la même chose pour la question du génocide qui donc démarre auparavant. Dès 1966, en fait, le gouvernement Biafra, le gouvernement de la région Ouest, c'est pas encore le Biafra à cette époque, parle déjà de génocide à l'encontre de la population de cette région, justement. Donc, il va publier une série de brochures qui vont être diffusées là aussi à l'international pour faire connaître la cause du Biafra sur la scène international, c'est vraiment le but. Et puis, par le biais de Radio Biafra, ils vont aussi s'employer à convaincre la population elle-même qu'elle est victime ou qu'elle sera victime d'un génocide si le Biafra ne gagne pas son indépendance. L'indépendance du Biafra ne coûte-t-elle pas trop cher à votre peuple, trop cher en misère, en souffrance et en vie humaine ? Colonel Ojukwu, spécial Biafra, 12 septembre 1968. L'indépendance a coûté très cher. Mais en réalité, nous ne payons pas le prix de l'indépendance. En réalité, nous subissons la tentative de génocide des autorités de Lagos qui veulent détruire notre peuple. Notre situation est comme celle d'un homme pris dans la gueule d'un lion. Pour s'arracher au lion, il souffre, mais pour survivre, il doit se libérer de l'étreinte meurtrière. Nous avons eu des morts par centaines de milliers. Mais si nous tombons sous le coup de nos ennemis, alors nous serons condamnés, tous, jusqu'au dernier. Voyez-vous, pour nous, le choix est entre une mort lente et une chance de survie, si minime soit-elle. Le terme de génocide est fort et d'ailleurs il est extrêmement mal utilisé. On sent qu'il est très mal compris par les journalistes. Faut dire que c'est un terme qui existe seulement depuis 1948 et la Convention des Nations Unies pour le crime de génocide. Et le génocide est compris comme quelque chose de très flou. Il est là simplement comme un mot qui est fort, mais on l'utilise de façon indéterminée en synonyme de extermination, atrocité, massacre. Et il n'y a pas de réflexion concrète qui est posée sur le fait de ce que ça représenterait du côté nigérian d'avoir un véritable plan génocidaire, comme il a pu en avoir un, par exemple, du côté des nazis. C'est-à-dire qu'un génocide, il est pensé, il est organisé, il y a des traces, il y a des pensées politiques, il y a une idéologie derrière. Tout ça, ça n'existe pas du côté nigérian. Donc, on ne se pose pas cette question-là. On est aussi quand même... on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, rétrospectivement. Mais on est juste un peu plus de deux décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Philippe Riffman. Et c'est aussi la période des années 60 où, avec le procès Eichmann à Jérusalem, au début des années 60, on commence à prendre conscience de la véritable dimension de ce qu'a été la Shoah, de ce qu'a été le génocide des Juifs, et puis les Tziganes, et les atrocités nazies. Donc cette prise de conscience de la dimension fait que aussi la thématique du plus jamais ça devient très très forte dans un très grand nombre de milieux. Et les médecins français, donc qui sont Biafra, ont le sentiment qu'ils sont en train d'assister à une répétition. Or, ça n'était pas un génocide, il y avait des crimes de guerre de la part de l'armée nigériane, probablement aussi de la part de l'armée biafraise, peut-être des crimes contre l'humanité, en tout cas il y avait incontestablement sur la population civile des exactions, et le fait que simplement la nourriture n'arrivait pas était aussi affamer la population, c'est aussi normalement interdit par le droit international humanitaire. Mais il n'y avait pas de volonté de la part du gouvernement nigérian et de son armée d'exterminer la totalité des Biafrais. Effectivement, il n'est pas question de génocide, mais il est bien aussi question d'enfermer une population et d'affamer finalement une population. Oui, alors c'est effectivement la stratégie de guerre que va suivre le gouvernement nigérian. Les Nigérians sont notamment conseillés par les Britanniques, qui leur suggèrent cette solution d'affamer, c'est pas comme ça qu'ils le disent, mais en gros d'appliquer ce blocus très ferme autour de la région pour attendre que le régime biafrais s'épuise. Parce que, aussi, comme le gouvernement nigérian a été accusé de génocide, les Britanniques craignent que s'ils lancent une offensive trop importante sur le Biafra, les accusations de génocide de la part de l'armée, disons, ressurgissent. Et donc, ils leur conseillent finalement de se retenir d'une certaine manière et d'attendre que le régime biafrais s'épuise. Et c'est ce qui va notamment aboutir effectivement à la famine. Docteur Pascal Greletti-Bosvitch, qui participera à la création de MSF en 1971, journal télévisé de nuit, 4 mars 1969. Je suis arrivé le 15 septembre au Biafra, et c'était à peu près la fin du Biafra. Toutes les grandes villes du Biafra venaient d'être prises. Oweri venait d'être pris, Aba était déjà tombé, et c'était un état absolument critique. Mais malgré tout ça, grâce au courage biafrais, c'était l'extraordinaire courage et endurance biafraise, le Biafra tient toujours. Cette poche n'est pas réduite, mais au prix d'hécatombes absolument invraisemblables. Tous les jours dans notre hôpital, on voit arriver 30, 40, 50 blessés, plus tous les bombardements des hôpitaux, des marchés, des églises qui font encore des victimes civiles. On a fait appel aux téléspectateurs français à de nombreuses reprises, ils ont répondu généreusement. J'aimerais vous demander maintenant comment cette aide qui a été apportée à la cause du Biafra pour lutter contre la famine au Biafra, comment cette aide s'est-elle traduite dans les faits? Il faut absolument relancer, si vous voulez, cette histoire du Biafra. On en a parlé à un moment donné, et un journaliste m'a dit à Libreville, en rentrant après 4 mois, cette chose atroce, le Biafra, ça ne se vend plus. Les bébés phoques, oui, mais le Biafra, non. Il faut absolument, actuellement, pour que le Biafra continue à vivre, pour que les enfants continuent à vivre, tous les jours, amener plus de nourriture et plus de médicaments. Et ça, il faut continuer, envoyer par le pont aérien et par la Croix-Rouge française, notamment. Philippe Riffman, j'ai amené 2 articles... du Monde, où Bernard Kouchner et Max Récamier témoignent sur le Biafra. Et ça, c'est une nouveauté en ce qui concerne l'humanitaire, en tous les cas. Oui, incontestablement. C'est même une première, si l'on veut, en ce sens que ça va caractériser particulièrement la démarche, ce qu'on appelle ensuite les French Doctors. Donc, quand Bernard Kouchner, Max Récamier et quelques autres arrivent au Biafra, donc en 1968, ils ont signé un engagement, puisqu'ils viennent pour la Croix-Rouge française, de non-témoignage, de confidentialité, puisque le principe à l'époque, là aussi les choses ont quelque peu évolué aujourd'hui, le principe à l'époque pour les organisations Croix-Rouge, c'est que on agit, on intervient, on essaye de porter secours, mais on n'en parle pas. On peut en parler plus tard, on peut écrire ses mémoires, on peut, il y a un certain nombre d'anciens, par exemple du comité de la Croix-Rouge, qui, au fil du temps, ont écrit leur mémoire, leurs souvenirs, mais on ne témoigne pas au moment de la crise, au moment de la guerre, au moment du conflit. Donc, cette conception assez restrictive d'impartialité, de la neutralité, c'est aussi pour des raisons pratiques. Vous nous laissez accéder aux victimes, mais on ne dira pas ce qui se passe, on ne dira pas notamment si vous êtes l'auteur de massacres ou d'exactions. Cet article, il est intéressant puisque normalement, il symbolise un peu la prise de parole des médecins français vis-à-vis du CICR qui, lui, ne parlerait pas. Alors, déjà, on peut nuancer quand même tout ça parce que le CICR, en fait, tout au long déjà de l'année 68, il a cherché à faire parler de la question biafraise en recourant à d'autres organisations. Il a lui-même, de temps en temps, fait des communiqués de presse sur la situation en essayant de demander des dons parce qu'il faut bien voir que pendant toute la première moitié de l'année 68, les dons n'affluent pas, les volontaires n'affluent pas, en fait. Et donc, il est difficile de mettre en place les opérations humanitaires dans un premier temps. Donc tout ça l'amène quand même à médiatiser un tout petit peu son action et à lancer des appels au sein du monde de la Croix-Rouge et dans la presse plus généralement. Et en fait, cet article des deux médecins français, finalement, il va s'insérer assez bien dans ce travail de communication, paradoxalement. Et le CICR va même le trouver excellent. Et donc, en fait, il est très content que les médecins aient pris la parole sur le sujet, puisque au sein même de l'article, l'article n'a pas véritablement un ton polémique. On est plutôt sur quelque chose d'assez descriptif, de mise en avant du travail qui est fait, des opérations de secours, etc. Et il faudra attendre un petit peu plus tard, parce qu'ensuite, toujours ces mêmes médecins, accompagnés d'autres personnes, vont créer un comité international de lutte contre le génocide au Biafra, pour que les choses deviennent un petit peu plus claires dans une prise de position en faveur du Biafra. Il y a aussi cette guerre qui va mettre en scène dans ce qu'on a appelé les French Doctors, qui ne soigne pas seulement, mais qui interpelle l'opinion et qui prône un autre humanitaire. Oui, le Biafra, les médecins volontaires de la Croix-Rouge vont créer Médecins sans frontières avec des journalistes en 1971 parce qu'ils estiment avoir le devoir de témoigner. Et ils pensent, eux, que ayant assisté à ce qu'ils croient être un génocide, finalement, la Croix-Rouge internationale n'ose pas dire qu'il y a un génocide. Bernard Kouchner monte à l'époque un comité de lutte contre le génocide au Biafra, de bonne foi, dénonçant le silence, donc implicitement complice, de la Croix-Rouge internationale. Mais c'est vrai que l'une des principales conséquences, en tout cas d'un point de vue médiatique et d'un point de vue humanitaire, va être la création de Médecins sans frontières et la possibilité pour des médecins de témoigner de ce qu'ils voient, avec le risque qu'ils ne voient qu'une face de la médaille à chaque fois. Claude Brovelli, ORTF, 14 janvier 1970. Regardez d'abord les journaux qui viennent d'être publiés à Lagos ce matin. Leur titre, la guerre est finie, amnistie pour tous, Ojukwu est parti en Zambie. Les combats, pour autant qu'on le sache ici, ont cessé. Pour le moment, des avions fédéraux survolent ce qui était le Biafra pour larguer des tracts qui demandent aux anciens Biafrais de rester là où ils sont, de ne pas courir sur les routes, de ne pas fuir dans la brousse. Restez où vous êtes, disent les tracts, les Nigérians vont venir, vont vous nourrir et vous ne risquez absolument rien. Les organisations internationales de secours qui sont représentées à Lagos ont reçu l'ordre du gouvernement fédéral d'être prêtes à intervenir, mais à intervenir par l'intermédiaire du gouvernement fédéral qui veut plus que jamais que tout soit centralisé par ces services. Effectivement, et à mon sens, c'est vraiment ça qui est important au niveau du conflit du Biafra, c'est un conflit où on voit toutes sortes de reconfigurations s'opérer. Alors il y a cette question de la prise de parole, voilà. Mais le conflit du Biafra, lui, il symbolise aussi un moment, à mon avis, qui est particulièrement intéressant à voir, de reconfiguration de la relation qu'entretiennent les sociétés occidentales avec les territoires des anciens empires coloniaux. Et progressivement, on voit des savoirs coloniaux qui passent dans l'humanitaire, et le Biafra est une bonne fenêtre, en fait, pour observer tout ça. C'est-à-dire que ça amorce cette idée aussi, Valérie Gorin, que le champ humanitaire est construit désormais nord-sud. Alors ça, c'est vraiment un tournant qu'on constate et qui voit d'ailleurs l'émergence aussi de nouvelles organisations, d'ONG qui sont plus tournées vers des activités qui ne vont plus être forcément l'humanitaire d'urgence, mais qui vont être vers des activités qu'on dit aujourd'hui des activités de développement. Donc c'est plutôt le développement d'écoles, l'accès à l'eau potable et des choses comme ça. On voit vraiment finalement un humanitaire qui va se tourner vers des régions qui sont aussi présentées comme sous-développées. Donc il y a aussi toute une dimension, finalement, on le reproche beaucoup à l'humanitaire aujourd'hui, mais une dimension très néocolonialiste qui se met en place, où on va aller apporter le bon sauveur blanc, le bon samarite blanc, ce fameux fardeau de l'homme blanc, continue, mais à travers la figure des humanitaires qui jouent un peu les intermédiaires entre un public donateur et des victimes qui vivent dans des régions reculées, des régions qu'on dit absolument sous-développées, et qu'à travers l'enjeu de l'aide, se décide une nouvelle forme de, entre guillemets, mise sous tutelle de régions qui finalement vont beaucoup aussi recevoir de cette aide humanitaire, mais vont voir appliquer par exemple certains standards européens dans la prise en charge, dans l'éducation, dans les soins, etc. Donc on ne peut pas le nier. Merci à Joël Calmette, Marie-Luce Desgrandchamps, Valérie Gorin et Philippe Riffman. Merci également au service des archives audiovisuelles du Comité international de la Croix-Rouge. Mixage, Benjamin Vignal. La crise du Biafra ou les nouveaux sens de l'humanitaire, un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Séverine Cassard. Voilà pour le quatrième documentaire de notre série de documentaires autour des révolutions des années 60. Demain, le dernier sera consacré au Provo, ce mai 68 néerlandais, ou comment se révolter tranquillement. Un documentaire signé Anaïs Quien et Anne Fleury. À demain.